tanti nena zondi bonga, tanti e mama. E cosa la soni pe pasi, tanti e mama. Nazala kamo lolendo, e bale lo so kilikwe. Tanti na ho, tanti na mama leke. Mama leke, no bana tonto ilunga. Sous-lit. Leleca. Ringo Starr, Ale Caspagel. Ça c'est le Kassai Mbongo. Écoutez ça. Oga, oga, oga. Oh, bien le Kassai.